La délégation d'amitié nippo-coréenne liée par le soutien en visite en Corée a offert une corbeille de fleurs au maréchal Kim Jong-un. Le chef Koiwai Takasi, vice-président de l'Assemblée des citadins de Matsumoto pour le soutien à la réunification indépendante et pacifique de la Corée, l'a transmise le 1er août à un cadre coréen intéressé.